Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions Damaj ont le plaisir de vous présenter. Et c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Islahul Ummah, réformation de la communauté. Tout ce qui t'est réservé auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, est un bien pour toi, tant que tu places ta confiance en lui. Cela est meilleur pour toi et plus durable. Une série de sermons d'Al-Jumu'ah, portant sur différents thèmes tirés du Coran et de la Sunna. Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Prêché par l'éminent savant Abu Abdirrahman Yahya ibn Ali al-Hajuri, hafidhahullahu ta'ala. Allah ne suffit-il pas à son esclave comme soutien? Dirigeant du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyah bidammaj au Yémen. Place donc ta confiance en Allah, car tu es sur la vérité évidente. Traduit et prêché en langue française par le frère Wahbi al-Tunisi. Cela est une promesse et un décret émanant d'Allah, que quiconque se sera fermement établi dans la religion subira des préjudices, et on lui causera assurément des torts. Sermon numéro 30. Al-i'timadu ala rabbil ibadi. Placez sa confiance en le Seigneur des serviteurs. Seigneur, c'est en toi que nous plaçons notre confiance, et c'est vers toi que nous revenons repentants, et c'est vers toi qu'est la destination finale. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Toutes les louanges sont à Allah. Nous le louons, implorons son secours et nous nous repentons à lui. Et je témoigne qu'il n'existe de divinité digne d'être adorée qu'Allah seul, rien ne lui est égal. Et je témoigne que Muhammad est son serviteur et messager. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ô vous qui croyez, craignez Allah tel qu'il doit être craint, et ne mourrez qu'en étant soumis. Ya ayyuha an-nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijālan kathīran wa nisā'a wattaqullāha alladhī tasā'alūna bihi wal arḥām innallāha kāna 'alaykum raqībā. Ô vous les gens, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, Adam, et qui à partir de celui-ci a créé son épouse Hawa, Ève, puis qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre de nombreux hommes et femmes. Et craignez Allah, au nom duquel vous vous implorez les uns les autres. Et craignez de rompre les liens de parenté, certes Allah vous observe parfaitement. Ya ayyuha alladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ô vous qui croyez, craignez Allah et ne parlez qu'avec droiture et justesse, afin qu'il corrige et améliore vos actions. et qu'il vous pardonne vos péchés, et celui qui obéit à Allah et à son messager a certes gagné une énorme récompense. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ceci étant dit, la plus véridique des paroles est certes celle d'Allah, et la meilleure des voies à suivre est celle du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. Et la plus mauvaise des choses concernant la religion est celle qui a été inventée. Et toute chose inventée dans la religion est une innovation, et toute innovation est un égarement, et tout égarement mène en enfer. Ô vous les gens, Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans son noble livre le Coran, wa lillahi ghaibu as-samawati wal ard wa ilayhi yurja'u al-amru kullu fa'budhu wa tawakkal 'alayhi wa ma rabbuka bighafilin 'amma ta'malun. Et c'est à Allah qu'appartient l'inconnaissable de ce qui se passe dans les cieux et la terre, et c'est à lui que revient l'ordre tout entier. Adore-le donc et place ta confiance en lui. Et ton Seigneur n'est certes pas inattentif à ce que vous faites. Il est exposé dans ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne lui est dissimulé sur cette terre, de même que dans le ciel, comme bien et mal, bonheur et malheur, bienfait et calamité, vie et mort, bonne santé et maladie, richesse et pauvreté, et tant d'autres choses encore, qui n'échappent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Adore-le donc. Et sache que si tu adorais Allah, subhanahu wa ta'ala, réellement, au toi le muslim, d'une adoration véritable et sincère, de même qu'avec certitude, tout en te remettant pleinement à lui, sache alors qu'on te causera inéluctablement du tort. Comme l'a dit Allah, subhanahu wa ta'ala, « Watawasaw bil haqqi, watawasaw bis sabr » qui s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement la patience. Et le fait de s'exhorter mutuellement à suivre la vérité est naturellement suivi de l'injonction à la patience. Car le fait de s'établir fermement sur la vérité, de cela en découle fatalement de l'amertume. Et cela a aussi pour conséquence de se faire beaucoup d'ennemis. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكْ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَئِ الْمُرْسَلِينَ. Certes, des messagers avant toi, ô toi Muhammad, ont été traités de menteurs. Ils endurèrent alors avec constance d'avoir été démentis et à ce que l'on leur faisait subir comme persécution, jusqu'à ce que notre secours leur vînt et nul ne peut changer les paroles d'Allah. Et il t'est certes déjà parvenu une partie de l'histoire des envoyés. Et Luqman a dit « Ya bunay, aqimis salata, wa'mur bil ma'ruf, wa'nha alil munkar, wasbir ala ma asabak, inna thalika min azmil umur. » Ô mon enfant, accomplis la salah, la prière, et commande le convenable, et interdis le blâmable, et endure avec patience sur ce qui t'arrive, car telle est la résolution à prendre dans toutes les affaires. Nul doute que personne n'est venu avec ce avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans qu'il n'ait été pris pour ennemi. Comme cela fut rapporté dans le récit très connu de Waraqat ibn Nawfal. Donc place ta confiance en Allah, tabaraka wa ta'ala, et adore-le. Et maintiens-toi fermement dans ta religion. Car c'est ainsi qu'étaient les prophètes. Et voilà comment étaient également les croyants qui nous ont précédés. Ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala et s'étaient solidement maintenus dans la pratique de leur culte. Et ils appelaient les gens à suivre le livre d'Allah et ils ont secouru sa législation. Et ils plaçaient leur confiance en lui. Allah subhanahu wa ta'ala ne délaissa ainsi point. Et il les fit ainsi triompher sur terre. Allant même parfois à avoir autorité sur des communautés dont l'état était des plus mauvais que certains peuples qui vécurent après eux, des peuples décrits comme arrogants, tyranniques et acharnés, des peuples qu'Allah tabaraka wa ta'ala décrivit à l'aide de mauvaises caractéristiques, auxquelles chaque prophète était amené à faire face seul. Et il se peut qu'un prophète ait été éprouvé par ses proches et que cette adversité provenait de sa propre femme, par exemple, avec qui il partageait le même lit. Ou bien de son fils, comme cela a été le cas pour le prophète Noé. Et il est également possible que cette animosité venait de son oncle, ou bien d'autres personnes encore, parmi sa famille, qui s'étaient soulevées contre lui. Comme tel était le cas pour l'envoyé d'Allah Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Tout comme il est probable que cette adversité provenait d'un roi ou d'un pays tout entier, accompagné de son armée qui se soit opposée à lui. Comme cela a été le cas de Pharaon avec Moussa, Moïse. Pharaon et tout son royaume, sa puissance, de même que son arrogance, tout cet attirail employé contre Moussa, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà ce qu'enduraient les prophètes. Et cela fait donc partie des principes sur lesquels est fondée la religion d'Allah. فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Adore-le donc et place ta confiance en lui, et ton Seigneur n'est certes pas inattentif à ce que vous faites. C'est-à-dire qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, n'est pas inattentif à vos agissements. Tous, ô vous qui êtes sur la vérité, et vous autres qui êtes sur le faux. Allah, tabaraka wa ta'ala, a dit cela afin que tu saches, ô toi le muslim, que celui en qui tu places ta confiance est vivant, et qu'il ne meurt pas. Wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut, wa sabbih bihamdihi, wa kafa bihi bidhunubi ibadihi khabira. Et place ta confiance au vivant qui ne meurt jamais, et glorifie-le par sa louange. Il est certes parfaitement connaisseur des péchés que commettent ses serviteurs. Il est donc parfaitement informé des péchés de ses serviteurs, qu'ils soient pieux ou pervers. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Et si Allah avait voulu, il vous aurait tous accablés. Certes, Allah est puissant et sage. Cela, afin que tu prennes conscience de toi le musulman, que celui en qui tu t'en remets est puissant et clément, et aussi qui t'observe parfaitement et voit tous tes agissements, les tiens, de même que ceux de toute l'humanité. Rien ne lui est caché de tout ce que vous faites. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Et place ta confiance au Tout-Puissant, au Très Miséricordieux, celui qui te voit quand tu te lèves, de même que tes gestes, quand tu es avec ceux qui se prosternent, c'est certes lui, l'audient, l'omniscient. Contente-toi donc d'Allah, tabaraka wa ta'ala, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a commandé à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a ainsi dit, لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله. Un messager certes venu à vous, de parmi vous, auquel pèsent lourds les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et clément envers les croyants. Puis s'il se détourne, dis, ô toi Muhammad, Allah me suffit. Donc si les gens venaient à s'éloigner de toi, et qu'ils se détourneraient de ton appel, et n'accepteraient rien de ta part, alors à ce moment, place ta confiance en Allah, car si Allah le veut, il fera pencher leur cœur vers la vérité, et s'il le veut, il les en détournera. Il a dit, tabaraka wa ta'ala, فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Puis s'il se détourne, dit, Allah me suffit, il n'y a de divinité digne d'être adorée que lui. En lui, je place ma confiance et il est le Seigneur du trône immense. Il est le Seigneur du trône immense. Et la plus grande des choses qu'Allah a créées est son trône. Et c'est pour cette raison qu'il a été dit, وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Et il est le Seigneur du trône immense. Il évoqua ainsi le trône parmi tant d'autres créatures. Remets-toi-en donc à Allah subhanahu wa ta'ala, car il te suffit. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. Allah ne suffit-il pas à son esclave comme soutien? Et ils essayent de te faire peur avec autre que lui. Et quiconque Allah égare n'a point de guide. Place ta confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala, même lorsque cela concerne ta subsistance. Car ta subsistance provient d'Allah, tabaraka wa ta'ala, qu'il s'agisse de ta subsistance dans ce bas monde, tout comme dans celle de l'au-delà. Toutes sont des dons généreux venant d'Allah. Il est ainsi ton gardien. Allah a dit, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Et Allah lui accordera sa subsistance par des moyens sur lesquels il ne comptait même pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Allah atteint assurément ce qu'il se propose. Allah a certes assigné une mesure à toute chose. Il est donc ton protecteur. C'est-à-dire qu'il te suffit. Place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala concernant ton secours et ton assistance. إِنْ يَنْصُرُكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Si Allah vous vient en aide, nul ne peut vous vaincre. Mais s'il vous abandonne, qui donc après lui vous secourra? Et c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Sois ainsi, ô toi le musulman, Le courage, la force, de même que la bravoure, ne suffisent pas en eux-mêmes. De même que l'argent, les étroites relations, les titres de noblesse ou de royauté, ni même une quelconque place au sein d'un gouvernement, rien de tout cela ne pourrait remplacer le fait de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà la meilleure des conceptions que le musulman puisse se faire, la meilleure des compréhensions aussi, le meilleur principe qu'il puisse fermement établir dans son cœur et son esprit. Il s'agit là de la doctrine des prophètes et de leur spécificité. Et c'est aussi le fondement religieux des croyants. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تتلى عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Certes, les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent à l'évocation d'Allah et qui, lorsque ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi, et qui placent leur confiance en leur Seigneur, ceux qui accomplissent la prière et dépensent dans le sentier d'Allah de ce que nous leur avons attribué. Sois donc ainsi dans toutes tes affaires et en toutes circonstances. فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبَقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Et tout ce qui pourrait vous être donné comme bien n'est que jouissance dans cette vie présente, tandis que ce qui est auprès d'Allah est meilleur et plus durable pour ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Tout ce qui t'est réservé auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, est un bien pour toi, tant que tu places ta confiance en lui. Cela est meilleur pour toi et plus durable. Qu'il s'agisse de vie ou de mort, de bonne santé ou de maladie, de richesse ou de pauvreté, quel que soit l'état dans lequel tu seras, ce sera un bien pour toi, pourvu que tu maintiennes ta confiance placée exclusivement en Allah, subhanahu wa ta'ala. Fatawakkal ala Allahi. إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينَ. Place donc ta confiance en Allah, car tu es sur la vérité évidente. Tant que tu te trouves sur la vérité, reste ferme. Et quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouveras, place ta confiance en Allah. فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينَ. Place donc ta confiance en Allah, car tu es sur la vérité évidente. Et du même ordre, il a dit, يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. Ô toi le prophète Muhammad, nous t'avons envoyé en tant que témoin, annonciateur et avertisseur, appelant les gens à Allah par sa permission, est telle une lampe éclairante, et annonce la bonne nouvelle aux croyants, qu'ils recevront de la part d'Allah une grande faveur, et n'obéis point aux mécréants et aux hypocrites, et ne prête pas attention à leur méchanceté, et place ta confiance en Allah, et Allah suffit comme protecteur. Il s'agit là d'un formidable exemple de fermeté qu'Allah tabaraka wa ta'ala a donné et exposé à son prophète. Wa tawakkal 'ala Allahi wa kafa billahi wakila. Et place ta confiance en Allah, et Allah suffit comme protecteur. Remets-toi-en ainsi, Allah, concernant ton raffermissement. Et certaines personnes pensent que le grand nombre ou le petit nombre sont facteurs de victoire ou de défaite. Et cela est totalement faux. La supériorité et l'infériorité numérique ne sont absolument pas facteurs de triomphe ou de débâcle. Mais la vraie origine de cela est plutôt le secours d'Allah et le fait de placer sa confiance en Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Ya ayyuhal ladhina amanu, in tansuru allaha yansurukum, wa yuthabbit aqdamakum, wal ladhina kafaru fata'asan lahum, wa adhalla a'malahum. » Ô vous qui croyez, si vous faites triompher la cause d'Allah, Allah vous fera triompher et raffermira vos pas. Et quant à ceux qui mécroient, Allah les frappera d'un malheur et il rendra leurs œuvres vaines. Il les fait périr, qu'ils soient peu ou en grand nombre. Wa adhalla a'malahum. Et il rendra leurs œuvres vaines. Et il a dit, tabaraka wa ta'ala, ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكمه وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين. Et quant à Lout et son peuple affrontèrent Goliath et ses troupes. Ils dirent, Seigneur, déverse sur nous l'endurance, affermis nos pas et donne-nous la victoire sur ce peuple mécréant. Ils les mirent ainsi en déroute par la grâce d'Allah. Et Daoud, David, tua Goliath. Et Allah lui donna la royauté et la sagesse. Et il lui enseigna ce qu'il voulut. Et si Allah ne neutralisait pas une partie des hommes par une autre, la terre serait certainement corrompue. Cependant qu'Allah est plein de bienfaits en faveur de l'univers tout entier. Place ta confiance en toutes circonstances. Quand bien même tu aurais entendu qu'il y aurait dans ton affaire de la tromperie ou de la traîtrise, ou bien encore qu'il s'agirait d'un complot à ton encontre, remets-toi-en à Allah, tout en faisant les causes et en prenant tes gardes. Khudu hidrakum, fanfiru thubatin, awinfiru jami'a. Prenez vos précautions et partez en expédition par détachement séparé ou en un seul groupe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le croyant est intelligent et raisonné. Et il a aussi dit, le croyant ne se fait pas piquer par un scorpion deux fois dans le même trou. Cela démontre le fait de placer sa confiance en Allah tout en faisant les bonnes causes. Remets-toi-en donc à lui dans tout cela. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَإِنْ يُرِيدُ أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Et s'ils veulent te duper, sache alors qu'Allah te suffit contre eux. C'est lui qui t'a apporté son secours ainsi que l'assistance des croyants, car c'est lui qui a uni leur cœur. Et si tu avais dépensé tout ce qui est sur cette terre, tu n'aurais pu unir leur cœur. Mais c'est Allah qui les a unis, car il est puissant et sage. Il y avait, à l'époque de la Jahiliya, l'époque pré-islamique, de violentes batailles entre les deux tribus d'El Haus et d'El Khazraj, jusqu'à ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vienne à eux, ces valeureux combattants, tous issus de Qahtan. Allah lia alors les cœurs des croyants de ces deux tribus, El Haus et El Khazraj, ainsi que de l'ensemble des Arabes qui avaient eu la foi en la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré tout le sang qui avait été versé auparavant, et toutes ces routes qui avaient été barrées et coupées, de même que tout ce qui avait eu entre eux comme conflit, tout avait disparu. Ils s'étaient alors tous réunis pour faire face aux ennemis de l'islam d'un seul rang. C'est ainsi qu'Allah assista le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le raffermit dans cette lourde tâche. Donc place ta confiance en Allah en temps de guerre, tout comme en temps de paix. Allah a dit, إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Quand deux de vos groupes songèrent à fléchir, alors qu'Allah était leur allié à tous les deux, et c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Dit, rien ne nous atteindra si ce n'est ce qu'Allah a décrété pour nous. Il est notre protecteur et c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Et qu'aurions-nous à ne pas placer notre confiance en Allah alors qu'il nous a guidés sur les sentiers que nous devions suivre? Nous endurerons et patienterons sûrement face à la persécution que vous nous infligez, et c'est en Allah que doivent s'en remettre les véritables croyants. Et c'est là la caractéristique des prophètes. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Et c'est en Allah que doivent s'en remettre les véritables croyants. Voilà comment ils étaient. Et cela était leur habitude, comme Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits. Et il en est de même pour les croyants qui les ont suivis en cela. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. Vous avez certes eu un bel exemple à suivre en Ibrahim, Abraham, et ceux qui étaient avec lui, quand ceux-ci dirent à leur peuple, nous nous désavouons assurément de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions, et entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclaré jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. Que t'imagines-tu qu'il allait se passer dans une telle situation? Ibrahim et ceux qui l'accompagnaient abandonnèrent une communauté tout entière. Que penses-tu qu'il allait se passer après cela? Ils quittèrent un royaume et délaissèrent Nemrod. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. Et entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées, jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul, exception faite concernant la parole d'Ibrahim, adressée à son père, qui n'est pas à prendre en exemple, lorsqu'il lui dit, j'implorais certes le pardon d'Allah en ta faveur, bien que je ne puisse rien pour toi auprès d'Allah. Ibrahim et ceux qui l'accompagnaient dirent ensuite, Seigneur, c'est en toi que nous plaçons notre confiance, et c'est vers toi que nous revenons repentants, et c'est vers toi qu'est la destination finale. Seigneur, ne fais pas de nous un sujet de tentation pour ceux qui mécroient, et pardonne-nous, ô notre Seigneur, car c'est toi, le puissant, le sage. Il se peut que tu entendes les gens dire, au sujet de telle affaire, qu'il s'agit d'un complot, derrière lequel se cache tel et tel pays, alors qu'en réalité, ils essayent à travers cela de déstabiliser les gens, et de les effrayer. Il se peut néanmoins qu'il s'agisse de la vérité, et il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il faut savoir que ces procédés ne sont pas nouveaux. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son livre saint le Coran, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ. Et lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le shaitan, le lapider. Ce dernier n'a assurément aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Il n'a de pouvoir que sur ceux qui s'allient à lui et qui l'adorent en lui obéissant. Shaitan et son armée n'ont donc aucun pouvoir ni aucune autorité, et leur destinée est entre les mains d'Allah. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Il n'y a pas d'être vivant sur terre sans qu'il ne le tienne par son toupet. Mon Seigneur est certes sur un droit chemin. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ. Ne tenez pas de conversation secrète dans le but de commettre des péchés et des hostilités et de désobéir aux messagers, mais concertez-vous plutôt dans le bien et la piété et craignez Allah. Allah nous a clairement exposé qu'il s'agit des discussions secrètes. Il a dit, لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, afin d'attrister ceux qui croient, mais il ne peut leur nuire en rien sans la permission d'Allah. Qu'il s'agisse de conspirations ou d'assises confidentielles, organisées dans le but de porter atteinte aux croyants, ou de congrès, ou d'assemblées tenues à l'encontre des croyants, ou tout autre rassemblement, remets-toi-en en Allah. Et il en est de même avec les pactes de paix. وَإِنْ جَنَحُوا لِلسِّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Et s'il souhaite faire la paix, penche-toi aussi vers elle et place ta confiance en Allah, tout en faisant les causes et en prenant ses gardes dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, en plaçant sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Et c'est Allah qu'appartient l'inconnaissable de ce qui se passe dans les cieux et la terre, et c'est à lui que revient l'ordre tout entier. Adore-le donc et place ta confiance en lui, et ton Seigneur n'est certes pas inattentif à ce que vous faites. الحمد لله كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كان بعباده خبيرا بصيرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Toutes les louanges sont à Allah, et je témoigne qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah. Il est certes pour ses serviteurs observateur et parfaitement connaisseur. Et je témoigne que Mohammed est son serviteur et messager. Son Seigneur l'a envoyé en tant qu'annonciateur de bonnes nouvelles et avertisseur. Que la prière d'Allah soit sur lui, ainsi que la paix de même que sur sa famille, ses compagnons et ceux qui le suivront, ceci étant dit. Ô vous les gens, si l'être humain comptait sur sa propre personne, il courrait alors à sa perte. En revanche, s'il s'en remettait à son Seigneur, il réussira et mènera une vie heureuse, parfaitement. Si l'homme place sa confiance en son Seigneur, il récoltera assurément le succès et la réussite, et il sera bien guidé. Donc ne porte aucune attention à ceux qui veulent déstabiliser les gens et les ébranler en se rassemblant ici et là. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Ceux à qui les gens ont dit, les gens se sont certes rassemblés tous contre vous, craignez-les, mais cela ne fit qu'augmenter leur foi. Et ils dirent, Allah nous suffit et il n'y a pas meilleur garant que lui. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre le Coran, وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ. Et ils dirent, Allah nous suffit, et il n'y a pas de meilleur garant que lui. Ils revinrent ainsi, avec un bienfait venant d'Allah et une grâce. Cela n'a donc eu d'effet que d'augmenter le bien en eux et de croître le nombre des bienfaits sur eux. Et cela a également fait augmenter leur mérite et leur vertu et les a élevés en degré. Donc en quoi tous ces regroupements ont-ils été profitables à l'ennemi? Quel avantage en ont-ils tiré? فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ. Ils revinrent ainsi avec un bienfait venant d'Allah et une grâce. Nul mal ne les toucha et ils suivirent ce qui satisfait Allah. Et Allah est détenteur d'une grâce immense. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ. Et quand les croyants virent les groupes ennemis, et il est question ici de la bataille d'Al-Khandaq, lorsque les polythéistes s'étaient rassemblés en masse de toutes parts contre les croyants et s'étaient déployés en périphérie d'Al-Médine, Médine. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. Ils dirent, voilà ce qu'Allah et son messager nous avaient promis. Cela est une promesse et un décret émanant d'Allah, que quiconque se sera fermement établi dans la religion subira des préjudices et on lui causera assurément des torts, que celui qui se maintiendra dans la pratique du culte d'Allah véritable sera fatalement éprouvé et peut-être même qu'il aura des ennemis qui lutteront pour lui faire du mal. Et Allah et son messager avaient dit vrai, mais cela ne fit que croître leur foi et leur soumission. Allah a ainsi élu certains d'entre eux. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. Il y a parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leur engagement vers Allah. Certains d'entre eux ont ainsi atteint leur terme de vie, tandis que d'autres attendent le leur sans qu'il n'ait pour autant changé. Cela afin qu'Allah récompense les véridiques pour leur sincérité et qu'il châtie les hypocrites s'ils le décident ou qu'il accepte leur repentir, car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. C'est-à-dire qu'ils seront guidés vers le repentir, puis Allah leur pardonnera, ou bien qu'il les laissera se baigner dans leur hypocrisie jusqu'à les châtier dans le feu de l'enfer. Voilà le sens de l'exception évoquée dans le précédent verset. Insha'a aw yatuba alayhim. S'ils le décident ou qu'ils acceptent leur repentir. Il s'agit là d'un point très important, ô vous les gens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été forcé par son propre peuple à fuir de la ville de Mecca, la Mecque, alors qu'elle était l'endroit qu'il aimait le plus. Puis lorsqu'il prit la fuite, il se réfugia dans la grotte, accompagné d'Abu Bakr, radiallahu anhu. Les polythéistes se lancèrent alors à leur poursuite et n'avaient pas lésimé dans les moyens pour les ramener. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Et lorsque les polythéistes mécois complotaient contre toi pour t'emprisonner ou t'assassiner ou t'expulser, ils complotèrent, mais Allah fit échouer leur complot et Allah est le meilleur en stratagème. Puis lorsque les polythéistes repartirent, Abu Bakr dit, ô messager d'Allah, si l'un d'entre eux avait regardé au niveau de ses pieds, il nous aurait certainement aperçu. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit alors, ô Abu Bakr, que penses-tu de deux individus? Allah est le troisième avec eux. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. Et si vous ne lui portez pas secours, sachez alors qu'Allah l'a déjà secouru lorsque les mécréants l'avaient banni et qu'ils s'étaient réfugiés à deux dans la grotte. C'est-à-dire qu'il n'y avait personne avec le prophète, hormis Abu Bakr. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. et qu'il s'était réfugié à deux dans la grotte, et qu'il dit à son compagnon, n'aie aucune crainte, car Allah est avec nous. Allah fit alors descendre sur lui sa sérénité et l'assista de soldats que vous ne voyez pas, les anges. Il fit ainsi de la parole des mécréants la plus basse, tandis que la parole d'Allah est celle qui est la plus élevée, et Allah est puissant et sage. Nous demandons à Allah, tabaraka wa ta'ala, qu'il nous préserve de toute fitna, de tout trouble et désordre apparent et caché. Walhamdulillahi rabbil alamin.